monde. Et quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro 550. Et sur cette saga, nous fêtons, alors qu'on a dépassé déjà de plus de 10, je crois, on doit être à 1012, nous fêtons le 1000e membre de la saga des Fab Four sur Facebook. Il s'appelle Paolo Azzi, Paul Azzi. Je ne sais pas d'où il est, je n'ai pas encore conversé avec lui, mais on lui souhaite la bienvenue, Paul, et c'est toi le 1000e membre, donc tu avais le droit à nous donner l'album de la semaine et éventuellement ta chanson préférée. Et ce monsieur a dit, ce sera A Hard Day's Night, avec la chanson A Hard Day's Night. Donc, c'est ce qu'on va écouter ce soir. L'album A Hard Day's Night, sorti en 1964. Quelle belle année! Oh là là là là! Il paraît que des légendes sont cette année-là. Elles avaient 6 ans en 1970, au moment du break-up des Beatles. Et puis, certaines de ces légendes ont créé une émission radio en 1984 qui s'appelait La Saga des Fab Four. Allez, arrêtons de parler de moi. Et la suite de cet album-là sera And I Love Her, If I Fell, Things We Said Today, Can't Buy Me Love, Tell Me Why. Ça sera pour les Beatles. Il y aura également du McCartney parce que on est quand même le lendemain de la Saint-Valentin. Alors, on a choisi des chansons d'amour. Pour vous, je vous cite les quatre premières. My Love sur Red Rose Speedway par McCartney. Love tout court par John Lennon sur Plastic Ono Band en 1970. Il y aura un clin d'œil aux fans du groupe Apple, surtout des Beatles, en 1971 sur All Things Must Pass par George Harrison. C'est Apple Scruffs. J'ai une anecdote à vous raconter que j'ai lu il n'y a pas longtemps au sujet de cet album, un truc assez amusant. Et puis Ringo Starr chantera Photographe, dans lequel il parle de l'amitié d'un... Au départ, l'amitié d'un homme pour une femme qui est partie. Et puis en fin de compte, à partir de la mort de George Harrison, c'est devenu l'amitié d'un homme pour un autre homme. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et le premier titre, avec le riff que vous connaissez, qui est inimitable, A Hard Day's Night. Bonne soirée à tous. On se retrouve sur le groupe Facebook. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Stay with my love. It's all. understand. It's in the hands of my love. And my love does it good. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. My love does it good. And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Que c'est bien John Lennon dans un instant, mais juste avant, c'était Paul McCartney qui nous chantait My Love en 1973. Évidemment, une chanson pour sa femme, Linda McCartney. Très, très belle chanson. Là, c'est une chanson qui commence tout doucement. C'est pour ça que je vais la faire démarrer maintenant. Et qui est pour Yoko Ono, forcément. Mais c'est une belle chanson quand même, on va dire. Il s'agit, en 1970, sur l'album Plastic Ono Band. Elle a déjà commencé la chanson. Vous vous rendez compte comment c'est doux? Ça, il s'agit de la chanson Love. Ensuite, il y aura Apple Scruffs, et j'aurai quelque chose à vous dire sur Apple Scruffs. chanson d'amour comme ça, on dit oui. On dit c'est bien. En plus, post-Saint-Valentin, c'est vraiment très très très bien. Bon, alors la chanson suivante, je vous l'ai dit, Apple's Cross par George Harrison sur All Things Must Pass. Par contre, ce que je savais depuis quelque temps, c'est que Philip Collins y avait participé, il avait 19 ans, quelque chose comme ça à l'époque, il avait participé à peut-être au moins une chanson et il tapait sur des bongos, il me semble, quelque chose comme ça. Il faisait, vous savez, comme Ray Cooper fait là, des tambourins, non, des bongos, admettons des bongos, on va dire des bongos, ce sera plus facile. Donc Phil Collins faisait des bongos et lorsque le 33 est sorti, le triple 33, il n'y avait pas mention de Phil Collins sur l'album. Bon, il n'a rien dit, le temps a passé, et puis aux alentours de la 30e année de sortie, donc aux alentours de l'an 2000, ils se sont recontactés, et Phil Collins a dit à George Harrison, « Mais tu te souviens pas, en 1970, j'avais fait des bongos sur une de tes chansons ?» Et George Harrison dit, « Bah écoute, je suis désolé, mais non, je ne m'en souviens pas. » Et Phil Collins de lui demander, « Est-ce que tu pourrais essayer de retrouver ma partie, et puis ce serait sympa que tu me l'envoies ?» George Harrison, pas de problème, je te trouve ça. Et d'ailleurs, gentiment, sur la sortie du 30e anniversaire de All Things Must Pass en 2000, il a rajouté participation de Phil Collins. Bon, sauf que lorsqu'il lui a envoyé la démo, sa partie de bongo, c'était horrible, c'était pas en rythme, c'était pas comme il fallait du tout. Et Phil Collins, évidemment, on a été ému. Il s'est dit, ben, je comprends pourquoi il a pas gardé ma partie, parce que c'était vraiment mauvais. Bon, j'étais jeune. Sauf que aussi, George Harrison avait demandé à Ray Cooper, son pote, de jouer le plus mal possible et de envoyer ça à Phil Collins pour faire croire qu'il avait très mal joué. Et il lui a indiqué, il lui a dit à Phil Collins, c'est une blague, je n'ai pas retrouvé ta partition. Mais c'est de l'humour totalement liverpoolien, vous voyez? Voilà, c'était l'anecdote au sujet de All Things Must Pass que j'ai découverte il y a peu de temps grâce à YellowSub.net au niveau de la blague qu'a fait George Harrison quant à Phil Collins qui jouait sur All Things Must Pass. Je le savais depuis quelques années, mais je ne sais plus où j'ai appris ça. Nous sommes en 1973. Ce premier album pop-rock de Ringo Starr, rappelez-vous, auparavant, il avait sorti Sentimental Journey avec des hits des années 30, 40, quelque chose comme ça, et également Bokoops of Blues qui était de la country. Donc ce premier album pop-rock de Ringo Starr est entré dans l'histoire pour trois raisons. La première, c'est qu'il fut le premier à réunir quatre ex-Beatles depuis leur séparation, même s'ils ne se retrouvèrent au mieux qu'à trois dans le même studio. La seconde, c'est qu'il est incontestablement très réussi. Et la troisième, qu'il fut, par voie de conséquence, un étonnant succès commercial, comme les trois singles qui en furent extraits. Avec It Don't Come Easy, puis Back of Boogaloo, ses précédents singles, Ringo Starr avait déjà créé la surprise. Avec l'album Ringo, il revient carrément au tout premier plan, jouant d'égal à égal avec ses trois anciens partenaires, tout au moins au niveau des ventes. Qui aurait parié là-dessus trois ans auparavant ? La meilleure arme de Ringo, en dehors de son appartenance au groupe le plus connu de la planète, c'est avant tout l'important capital sympathie dont il jouit depuis qu'il est connu du public, mais aussi et surtout par ses pairs et amis musiciens. Ainsi, lorsqu'il se décide à enregistrer ce disque, il n'hésite pas à convoquer à la fête diverses pointures de la scène rock anglaise et américaine. Les crédits de sa pochette ont tout d'un véritable bottin mondain du rock. En plus de Lennon, Harrison et McCartney, on note en vrac, et parmi les plus connus, je vais faire un petit détail moi aussi, parmi ceux qu'on connaît encore en 2023, on note la présence de Klaus Voormann, Billy Preston, Mark Bolan, au sommet de sa gloire avec T-Rex, Nicky Hopkins, Robbie Robertson and the band au complet, Harry Nilsson, Jim Keltner, Tom Scott, Jim Horn et Bobby Kye. Du beau linge, comme on dit, pour accompagner notre batteur sur une dizaine de titres variés, bien troussés, toutes taillées à la mesure de ses capacités vocales limitées. Comme cela était coutume à l'époque, L'album Ringo a été précédé de quelques semaines par un 45 tours Photograph qu'on vient d'entendre, une balade ample et nostalgique que George Harrison a composé en tandem avec Ringo, avec guitare acoustique, orchestre à cordes et superbe solo de sax en son cœur. Rapidement classé numéro 1 aux États-Unis, cette chanson aura fait de Ringo un album très attendu qui ne fera l'objet d'aucune forme de déception. Even on Ringo, c'est bien. Et il a continué par la suite à sortir de bonnes chansons. Voilà. Sauf, oui, au milieu des années 70 où il a eu un petit creux la vague. Nous avons entendu successivement les Beatles avec Hard Day's Night. Il y a eu McCartney avec My Love. John Lennon avec Love. Harrison avec Apostrophe. Et puis à l'instant, Ringo Starr avec Photograph. Avant de retrouver And I Love Her, il faut parler justement d'une personne qu'on aime beaucoup. Il s'agit de Lovely Rita. Oui, mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga des parents. I give her all my love, that's all I do. 175 causes de la rupture des Beatles. McCartney était extrêmement courroucé par cette façon de transformer sa chanson sans son accord. Et c'est vrai que quand on écoute le Let It Be Naked de 2003, la chanson est très jolie sans l'apport de Phil Spector. Mais avec les violons, avec les chœurs et tout ça, je suis désolé pour une fois. En fait, j'aime les deux, c'est ça. La chanson se tient seule au piano et la chanson, comme elle, vous venez de l'entendre, elle est très très bien aussi. Paul McCartney here, and you're listening to RG Widescreen Radio. Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take you to another level, you and me. Wanna give you my word. Let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand. Let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy. If we get it right, hand in hand, walking through life and making our plans, hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream true. Only when we understand everything in life is planned, can we make this dream come true. Plans, hand in hand, hand in hand. Je trouve très impressionnant de constater que Paul McCartney, depuis plus de 60 ans, nous donne de l'excellent boulot, de très très très belles chansons. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and dear you to me, all you know I will. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Every mistake J'aime cette chanson. Que cette chanson est belle. Well, My Guitar Gently Weeps par George Harrison et les Beatles, forcément, en 1968. Une chanson que je place au-dessus de toutes les autres et pourtant les autres ne sont pas loin. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est vachement bien trouvée, bien chantée, bien tout ce qu'il faut. La voix de Paul McCartney vient se plaquer sous celle de George Harrison pour la transporter encore plus loin. Ben oui, il y a toujours McCartney dedans, c'est obligé. Enfin bon, c'était extrait de l'album blanc en 1968. Vous écoutez la saga des Fab Four, numéro 550, et c'est une saga en l'honneur de Paolo Azzi, qui est le 1000e membre de la saga des Fab Four sur Facebook. On a dépassé ça, on est à 1017, je crois, quelque chose comme ça. Et félicitations à Paolo. Je crois que c'est un Argentin, donc je ne vais pas me risquer de parler espagnol ou quelque chose comme ça, parce que je ne sais pas du tout parler espagnol, portugais, ce que vous voulez, je ne sais pas parler ça. Je me débrouille à peu près en anglais, mais le reste, c'est très difficile. Bref, bravo à lui. Et je sais qu'on pourra lui dire que je l'ai cité à l'antenne et qu'il sera ravi, je suppose. Nous parlons également de chansons d'amour, puisque nous sommes le lendemain du 14 février. Et donc, on a écouté My Love, Love, Apple Scruffs, Photograph, The Long and Winding Road, Hand in Hand, I Will, While My Guitar Gently Weeps. On reste sur l'album de la semaine que voici de retour, avec cette inquiétude de John Lennon. Si je tombe amoureux de toi, est-ce que tu me promets de rester vrai? If I fell, c'est sur l'album Hard Day's Night, sorti en 1964. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. Trust in you. when she lands, we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she. En 1976, sur l'album Rotogravure, qui n'est pas un album extraordinaire de Ringo Starr, il y a, comme je vous l'ai toujours dit chez Ringo Starr et même chez les autres, quand un album n'est pas très très bon, il y a des perles quand même. Cette perle-là a été écrite par George Harrison, et c'est surprenant parce que c'est pas le style de George Harrison que vous allez entendre, et c'est une très belle chanson. C'est I'll Still Love You, écrit par George Harrison pour son pote Ringo Starr sur l'album Rotogravure. Success. 1980, Woman par John Lennon, une chanson qu'il a réussi à rendre suffisamment universelle pour qu'on oublie qu'elle était forcément adressée à Yoko Ono, mais qu'on peut, nous, les mecs, adresser à, aux femmes. Oui, j'allais dire à nos femmes, à notre femme, quand on en a une. Oui, on double. John Lennon encore, Jealous Guy sur RG.

Il est très probable qu'en 1984, j'ai dû apporter ce 33 tours à l'époque avec moi à la radio, puisque de toute façon, on n'avait pas le choix. On n'avait que ça sous la main, des 33 tours. Et puis, j'ai certainement dû dire, voici, les amis, le nouvel enregistrement, le nouveau 33 tours de Paul McCartney. Oui, parce que la saga des Fab Four date de 1984. Quand ? En 1984, sincèrement, je ne m'en souviens plus. Mais au moins, on est en 2023. L'année prochaine, on va fêter les 40 ans de la saga des Fab Four. J'en suis tout retourné, ça me paraît bizarre, et je compterai sur vous dans un an. On a le temps d'en parler, hein. Mais je compterai sur vous pour participer, pour dire, ben voilà, je suis un tel, j'écoute depuis ça, ma chanson préférée, c'est ça. Bref, laissez des petites places pour que je puisse vous couper, pour pouvoir mettre ça sur une intro de chanson, ceci, cela. On va essayer de faire quelque chose de bien, on essaiera d'organiser quelque chose, comme on l'avait fait pour les 30 ans en 2014, ici, sur RIG 90.7. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que je suis sur RIG et j'en suis fier, je suis très très content. Nous sommes toujours dans la saga des Fab Four numéro 550 en l'honneur de Paolo Ozzy sur RIG, car c'est le 1000e membre de la saga des Fab Four. Le groupe Facebook, et c'est parti très très vite, là, ça n'arrête pas d'arriver, les membres, et merci à vous d'en parler autour de vous. Vous vous dites, il y a une émission très très sympa le mercredi, entre 20h et 22h02 sur RIG, et tu pourrais écouter, tu pourrais demander à être membre dans la saga des Fab Four, et tu verras, tu ne le regretteras pas. Si vous ne le regrettez pas, j'en suis absolument ravi. Allez, on revient tranquillement à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est A Hard Day's Night, sorti en 1964. Et ce titre, Things We Said Today, sur RIG. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. En mai 1964, alors qu'il venait de terminer le tournage de Hard Day's Night et après avoir donné quelques concerts prévus de longue date en Angleterre et en Écosse, les Beatles et leur compagne prirent des vacances méritées. John et George firent le tour du monde en s'arrêtant en Hollande et en Polynésie, à Hawaï et aussi au Canada, tandis que Paul et Ringo visitaient la France et le Portugal avant de s'envoler vers les îles Vierges. Aux Caraïbes, Paul loua un yacht du nom de Happy Days. À bord avec Ringo, Maureen et Jane Asher, il composa Things We Said Today sur sa guitare acoustique. La chanson reflète sa relation avec Jane parce qu'ils savaient, de par la nature de leur profession, qu'ils ne pouvaient se consacrer beaucoup de temps l'un à l'autre. Lorsqu'ils étaient séparés, expliqua-t-il, ils se réconfortaient en pensant à ce qu'ils s'étaient dit un peu plus tôt, « Things we said today ». Ça ne va pas plus loin, mais c'est une belle chanson tirée de l'album « A Hard Day's Night ». Il est l'heure, avec un tout petit peu d'avance, de parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou séparément une fois qu'ils ont pris leur envol à chacun des quatre. Mais même si eux-mêmes faisaient une cover d'un de leurs pères, comme Chuck Berry par exemple, si eux, ils l'ont chanté, un interprète, ou peut-être vous, c'est déjà arrivé que je vous passe à la radio, eh bien un interprète chante une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, et c'est l'invité de la cover de ce soir. Ce soir, il s'appelle Chris de Burgh. Il se trouve que c'est le premier artiste que j'ai vu en 1984, mon premier concert à Bordeaux. C'était Chris de Burgh. À l'époque, il avait fait « I am high on emotion ». Voilà, c'était le grand succès de 1984. Mais en 1995, il me semble, laissez-moi reprendre ma feuille pour être sûr de moi, sur l'album « Beautiful Dreams », c'est ça, en 1995, il reprenait une chanson des Beatles, la chanson « Girl », que voici. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. She promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. My girl, girl. She's the kind of girl that puts you down when friends are there. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool. McCartney à la suite, ça vous tente? Voici Beautiful Night avec Ringo Starr et Warm and Beautiful sur RIG. Someone's gone out fishing, someone's high and dry, someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded wondering why. You and me together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle They got castles in Versailles, and I'm still stranded, wondering why. Away.

90.7, la radio des Beatles. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. The money can cet extrait de l'album de la semaine, A Hard Day's Night, sorti en 1964. Dans un peu plus d'une demi-heure, il y aura Eric et sa fabuleuse émission Johnny de A à Z. Il va nous conter encore quelque chose de très très intéressant. J'aime bien écouter son émission parce que elle est basée sur... On ne savait pas quand on ne se connaissait pas forcément. Elle est basée sur la même base que celle-ci. On vous fait écouter des chansons connues, mais également des chansons moins connues. On vous fait découvrir les gens qu'on adore. Et lui, il n'en a qu'un seul, c'est Johnny Hallyday. Et c'est bien suffisamment parce qu'il y a suffisamment de disques pour faire des années et des années d'émissions. Il en est à 20 ans, j'en suis à 39. Je pense qu'il ne me rattrapera pas, sauf si je m'arrête. Mais c'est pas encore tout de suite. Allez, nous sommes en 1976 et George Harrison nous propose une très très belle chanson puisque ce sont des chansons d'amour ce soir. Voici Beautiful Girl sur RIG. We'll be right back.

C'est sur le son de Give More Love qu'Eric est rentré dans le studio et il vous donnera plus d'amour encore tout à l'heure à partir de 22h02, a priori dans une grosse vingtaine de minutes, pour son émission extraordinaire qui s'appelle Johnny de A à Z. Et puisqu'on fait des chansons d'amour ce soir, eh bien la plus grosse chanson d'amour c'est celle-là, My Valentine, John Lennon, non, Paul McCartney, en 2011. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. It rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Demander aux Beatles de ne pas passer Tell Me Why sur l'album Hard Day's Night pour pouvoir mettre trois George Harrison à la suite, extraits du même album, parce que c'est trois chansons d'amour fabuleuses. Voici d'abord Love Comes to Everyone, puis il y aura Dark Sweet Lady et Your Love Is Forever. L'amour, l'amour, l'amour sur RG. Thank you. La chanson suivante pour Olivia, sa future femme, Dark Sweet Lady sur RIG. Oh, que je passe trois chansons à la suite du même album, mais ça le méritait. Merci George Harrison. On termine évidemment avec celle-ci. All You Need Is Love pour cette saga d'amour. Et tout de suite après, ce sera Eric. Faire pour arriver à fermer à 22h02 à chaque fois, c'est très très très spécial. Je prends beaucoup de temps à essayer de calculer pour que ça se termine à 22h02. Tu prends beaucoup de plaisir aussi. Oui, c'est vrai. Dans quelques instants, c'est Eric. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Salut, ciao.